Dans ce tunnel, il sera interdit de dépasser, réponse A, de faire demi-tour, réponse B, de klaxonner, réponse C, de s'arrêter, réponse D.